حبيبتي Quand je suis loin de toi, tu chiales des larmes de deux. Les une fille une, faut que je me plie aux ultimatums. Il y avait toujours une semaine pour livrer d'homme. La mélodie des briques, ten brick, la darange. Pas eu de diplôme, mais je ramènerai le platine. Avec l'œil du tigre, je regarde quand on sous-estime. Demande pas de tout lâcher, moi je serai rien sans la team. Tout caché, c'est toi sur la gâchette, m'a dit Saladin. Je te vois rentrer du taf, regard épuisé. Criminogène, chante l'amour du banc, des accusés, déshumanisés. Nos cœurs, là, une lame bien aiguisée, je lâche une larme. Deux ans, mon humeur désabusée. L'avenir, une tumeur. Quand t'as pas vendu ton honneur, toujours là derrière moi. Même quand je flirte avec le meurtre, impossible de rester neutre. T'es ma petite paix dans une grande guerre. Lâchez Walida, n'est pas dans nos mœurs. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Les sentiments dans le ravin, Marie qui joue sa vie aux assises. Romance-moi, ou la mélodie des sous-sols. Pourquoi pour faire les courses, nos mères sont toujours seules. Seules dans la tombe, y'a pas d'équipe. Des litrons de sème dans le coffre, j'opère en soliste. Ta gueule factice, on braque la pharmacie d'en bas. Le cannabis, plane au bord du précipice. Pour l'avenir, rien de précis. Et chaque fois qu'on se relève dans le gouffre iblis, nous on précipite. Mes chapitres, à l'aube c'est les braves qu'on décapite. Au crépuscule, toi tu chantes à la vue la street. Là, nu tu verras jamais le visage d'un sale type. Ce qui brille dans la pénombre, c'est le sourire du brolique. On devient alcoolique, sans s'en rendre compte. Mélancolique trop sombre, cauchemar qui va l'interrompre. Là, muerta sous fusil à pompe. Tellement savonneux, j'ai du mal à remonter la pente. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Les sentiments dans le ravin, mal qui joue sa vie aux assises. Shampoing, c'est dix femmes à poil. À la télé, on pointe du doigt celle qui se protège du voile. Y'a jamais de larmes dans le regard d'une femme à Bagdad. Comme une boule dans l'estomac, je viens porter l'estocade. Princesse, on tue mascara sur le regard. Elle se décède dans le Sahara, elle baisse les yeux quand tu la regardes. Elle vide son sang dans la baignoire. Trop près des perquises, imbibée de chanvre et la mémoire. Trop proche des perquises, les princesses au regard triste. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Reproche des perquises, les princesses au regard triste. Les sentiments dans le ravin, mal qui joue sa vie aux assises. Pour toutes les princesses N2S, N2S.